Ô fils de Dieu, il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent le pays d'Orient. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs et les Arabes, ont envahi leur pays. Ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ, à persuader à tous, à quelques classes de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents, le Christ l'ordonne. Quelle honte si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l'emporter sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom de chrétienne. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, qu'ils luttent maintenant à bon droit contre les barbares, que ceux qui voudront partir ne tardent pas et qu'ils se mettent en route sous la conduite de Dieu.